Chapitre 7e, Olivia. Pendant que les ouvriers étaient occupés à Marchmont Towers et clouaient les planches qui devaient servir de mur au jeu de pommes, pendant que Mary Marchmont et Edward Arundel erraient suivis de leurs chiens sous les arbres qui commençaient à se dépouiller de leurs feuilles dans le bois derrière la grande maison du Lincolnshire, Olivia, la fille du recteur, restait assise dans le cabinet tranquille de son père où couraient les tristes rues de Swampington en accomplissant son devoir de chaque jour. Oui, la vie de cette femme peut se résumer en ces quelques mots. Elle faisait son devoir depuis l'âge de raison. Depuis le moment où elle avait eu conscience de ses actions, elle avait fait son devoir sans se plaindre, sans hésiter, comme le croyaient du moins ceux qui l'observaient. C'était une bonne nature de femme. L'évêque du diocèse l'avait complimentée pour le zèle qu'elle apportait à accomplir la tâche sainte, un peu lourde pour la fille unique d'un recteur qui a perdu sa femme. Toutes les vieilles douairières de Swampington entonnaient de concert les louanges d'Olivia Arundel. Tant de dévouement, tant de zèle persévérant chez une jeune personne de 23 ans, méritait réellement des éloges, disaient ces vieilles femmes solennelles d'un ton de protection, car la jeune sainte dont elle parlait portait des robes usées et était la fille sans dot d'un pauvre homme qui n'avait pas su profiter de l'occasion de faire son chemin quand il l'avait eu et qui regrettait maintenant, au milieu des ruines d'un passé inutile, les chances qu'il avait perdues. Albert Arundel aimait sa fille. Il l'aimait avec cette ardeur passionnée, douloureuse que nous ressentons pour ceux qui souffrent de nos fautes et dont l'avenir a été ruiné par notre folie. Chaque rebusé que mettait Olivia renfermait un reproche pour son père. Chaque privation qu'elle endurait le faisait souffrir aussi cruellement que s'il se fût tourné vers lui et lui reprochait tout haut de n'avoir su arriver à rien et d'avoir gaspillé son patrimoine. Il l'aimait, et il la voyait chaque jour faisant son devoir envers lui, comme envers les autres, et ne déviant jamais de cette ligne éternelle. Mais quand il voulait la serrer sur son cœur, la froide perfection de la nature d'Olivia se dressait devant lui et le séparait de l'enfant qu'il aimait. Qu'était-il, lui, sinon une pauvre créature faible et chancelante, un épicurien paresseux tout à fait indigne de s'approcher de cette jeune fille qui semblait ne jamais se lasser de sa rude existence, n'être jamais dégoûtée de bien faire. Mais comment se faisait-il donc qu'avec tant de bonté, Olivia Arundel fût si peu récompensée sur terre? Je ne parle pas de l'or, des bijoux et autres récompenses mondaines que les fées dans nos contes d'enfants accordent aux mortels bienveillants qui ont pitié d'elle sous forme de vieille femme. Non, je parle de l'amour et de la reconnaissance, de la tendresse et des bénédictions habituellement réservées à quiconque fait le bien. Les charités d'Olivia Arundel se renouvelaient sans cesse. Sa vie était un sacrifice perpétuel offert aux paroissiens de son père. Il n'y avait pas de vanité féminine, de caprice de jeune fille que cette femme n'eût foulée aux pieds dans la voie pénible qu'elle s'était tracée à elle-même. Les pauvres gens le savaient. Les hommes et les femmes atteints de rhumatisme, infirmes et alités savaient que les draps qui les couvraient avaient été achetés avec un argent qui aurait pu servir à faire emplettes de belles robes de soie pour la fille du recteur ou de morceaux délicats pour la table frugale du presbytère. Ils savaient aussi que par le froid et la neige, la tempête et la pluie, Olivia Arundel viendrait s'asseoir à leur foyer sans feu, à leur chevet désolé, et leur lire les livres saints, sans se préoccuper du mauvais temps au dehors, de l'atmosphère étouffée au-dedans, de la boue, de la pauvreté, du malaise, et de quoi que ce fût. Elle ne songeait qu'à une chose, à accomplir la tâche qu'elle s'était imposée. Les pauvres gens savaient cela, et se montraient reconnaissants envers Miss Arundel. Ils étaient soumis et attentifs en sa présence. Ils lui rendaient ses bienfaits spirituels et temporels autant qu'il était en eux de les rendre, mais ils ne l'aimaient pas. Ils parlaient d'elle avec un profond respect, et faisaient son éloge toutes les fois que son nom était prononcé. Mais leurs yeux ne se mouillaient pas de larmes, leur voix ne tremblait pas. Ses vertus étaient belles, certainement, comme l'est toujours la vertu par elle-même, mais je crois que sa bonté et sa bienveillance manquaient d'individualité, de tendresse personnelle, et que c'était là ce qui la séparait de ce qu'elle obligeait. Peut-être y avait-il aussi une certaine froideur glacée dans la manière dont elle administrait chaque jour ses bienfaits. Elle était si bien à l'abri de toute faiblesse mortelle que ceux qui recevaient ses bontés, la sachant parfaite, avait peur d'elle à cause de sa bonté elle-même et ne pouvait l'aimer. Elle n'avait pas de prédilection pour aucun des paroissiens de son père. De tous les enfants qu'elle avait instruits, elle n'en avait jamais choisi pour son favori. Elle n'avait pas ses bons et ses mauvais jours. Elle n'était jamais follement indulgente ou extraordinairement cordiale. Elle était toujours la même. Elle personnifie en elle la charité de l'Église anglicane qui mesure ses bienfaits à la règle et au compas, fait l'aumône avec un calepin et un crayon à la main, regarde de tous côtés de son œil calme et scrutateur et se montre aux yeux du monde d'une justice rigoureuse, d'une perfection terrible. C'était une vie affreusement monotone que celle que menait Olivia Arundel au presbytère de Swampington. À 23 ans, elle aurait pu résumer en quelques pages l'histoire de sa vie. Le monde dehors de cette triste ville du Lincolnshire était en proie à des convulsions et devenait méconnaissable à force de changements successifs. Mais tous ces changements extérieurs, toutes ces révolutions ne se faisaient guère sentir dans les rues paisibles et dans les campagnes environnantes d'où n'était jamais sortie Olivia Arundel depuis son enfance. Elle recommençait le lendemain ce qu'elle avait fait la veille, et elle ne reconnaissait la marche du temps qu'au changement des saisons, au cercle bleuâtre qui depuis peu entourait ses yeux gris et aux lignes déprimées, visibles, au coin de sa lèvre inférieure. Ces signes extérieurs sur lesquels elle ne pouvait rien trahissaient seuls le secret de cette femme. Elle était lasse de son existence. Elle succombait sous le fardeau d'ennui qu'elle avait porté si longtemps et avec tant de patience. L'accomplissement de ses devoirs lui répugnait. Cette vie horrible, étroite, sans variété, entre quatre grands murs qui l'emprisonnaient, lui était odieuse. Son intelligence puissante se révoltait contre les fers qui la retenaient et la blessaient. Son cœur fier battait avec une violence meurtrière contre les liens qui l'enchaînaient. « Ma vie sera-t-elle toujours ainsi ? Toujours, toujours, toujours ?» La nature passionnée éclatait parfois et la voix si longtemps étouffée criait tout haut au milieu du calme de la nuit. « Cela continuera-t-il à tout jamais ainsi ? Mon existence ne changera-t-elle pas plus que le courant presque invisible tant il est lent de la rivière qui coule au pied du mur en ruine de la ville ? Oh mon Dieu ! Le sort des autres femmes ne sera-t-il jamais le mien ? Ne serai-je jamais aimé et admiré ? Jamais recherché ? Jamais choisi ? Dois-je arriver à ma dernière heure par ce chemin monotone et triste, sans voir apparaître un seul rayon de soleil, un seul reflet de l'arc-en-ciel ? Comment analyserais-je cette femme qui, n'ayant en elle aucune tendresse naturelle, ni cette affection irréfléchie et compatissante de ses pareils, essayait cependant et à toute heure de faire son devoir et d'être bonne, s'attachant dans l'aveuglement de son âme aux rigides préceptes de la foi et n'en comprenant pas l'esprit? L'intuition vague d'un défaut quelconque dans sa nature ne la rendait que plus scrupuleuse dans la pratique des devoirs qu'elle s'était imposés. Les saintes maximes que son père lisait d'une voix faible chaque dimanche lui revenaient sans cesse à l'esprit et ne pouvaient en être écartées. La tendresse dont chaque mot de cet évangile familier était empreint était un reproche contre son manque de tendresse à elle. Elle pouvait être bonne envers les paroissiens de son père et faire pour eux toute espèce de sacrifice, mais elle ne les aimait pas plus qu'ils ne l'aimaient elle. Cette pitié divine et universelle, cette affection spontanée et sans bornes qui constitue le charme principal de la femme et du christianisme, n'entrait pour rien dans sa nature. Elle pouvait comprendre Judith tenant en main la tête sanglante du général assyrien, mais elle ne s'expliquait pas ce mystère bien plus divin de Madeleine la pécheresse, prosternée aux pieds du maître et cachant à demi sous ses longs cheveux la honte et l'amour visibles sur sa physionomie. Non. Olivia Arundel n'était pas bonne dans le sens qu'on attache communément à ce mot. Il n'était pas dans sa nature d'être douce et tendre, bienfaisante, compatissante et bonne comme le sont les femmes que nous avons l'habitude d'appeler « bonnes ». C'était une femme qui luttait constamment contre son naturel, qui s'efforçait sans cesse de faire le bien, qui parcourait péniblement le sentier qu'elle avait choisi et réglait toutes ses actions d'après le système adopté par elle pour sa mortification. Et qui dira qu'une femme comme celle-ci, si elle persévère jusqu'à la fin, n'aura pas droit à une couronne plus brillante que celle de ses tendres sœurs, à la couronne du martyr? Si elle persévère jusqu'à la fin? Mais Olivia Arundel était-elle capable de ce sublime effort? Le cercle qui s'élargissait autour de ses yeux, ses joues creuses et l'inquiétude fiévreuse de ses manières qu'elle ne parvenait pas toujours à cacher, révélait combien était devenue terrible pour elle la lutte qu'elle soutenait. Si elle fut morte alors, si elle eût succombé sous le poids de son fardeau, l'histoire de la vie de la femme aurait eu à enregistrer en moi tout un long régime de crimes et d'angoisses. Mais cette femme était du nombre de celles qui souffrent et ne meurent pas de leur souffrance. Elle portera son fardeau quelque temps encore, pour le secouer un peu plus tard, et s'abandonner aux mauvais esprits qui attendent sans se lasser le moment de sa chute. Hubert Arundel avait peur de sa fille. L'idée qu'il lui avait fait tort, même avant qu'elle fût née, en dépensant follement son patrimoine et qu'il n'avait pas réparé sa faute en manquant de l'énergie nécessaire pour conquérir la position qu'aurait conquise un homme plus ambitieux, et la certitude qu'il avait des talents supérieurs de sa fille, le rendaient tout honteux, et il se sentait humilié par la personne de son unique enfant. La lutte entre cette peur et son affection pour elle fut très pénible, mais la peur l'emporta, et le recteur de Swampington dut se contenter de vivre à l'écart d'Olivia, de l'épier en silence, de se demander s'il était heureuse, et de chercher vainement à découvrir ce secret de l'âme qui existe dans toute nature, quelque commune qu'elle soit, extérieurement. M. Arundel avait espéré que sa fille se marierait, et se marierait bien, même à Swampington, car il y avait de riches propriétaires qui fréquentaient le presbytère. Mais la belle figure d'Olivia ne fit pas de conquête, et à 23 ans, Miss Arundel n'avait pas encore été demandée en mariage. Le père s'adressait des reproches à ce sujet. C'était lui qui avait gâté la vie de sa fille, sans doute. C'était sa faute si aucun prétendant ne venait demander la main de son enfant. Pourtant, bien d'autres jeunes filles sans fortune avaient été aimées et épousées, et je ne crois pas que ce fut l'absence de la dot qui tint les admirateurs à l'écart. Je pense que c'était plutôt le manque de tendresse qui glaçait et décourageait les jeunes squires de Lincolnshire. Olivia avait-elle jamais aimé ? Hubert Arundel se faisait bien souvent cette question, parce qu'il voyait que quelque influence nuisible autre que la pauvreté et la tristesse de leur intérieur agissait sur sa fille. Quelle était cette influence ? Était-ce quelque attachement malheureux ? Quelque affection secrète qui n'avait jamais été payée de retour ? Il n'aurait pas plus osé questionner sa fille à ce sujet qu'il n'eût osé demander à sa belle et jeune reine, tout récemment mariée à cette époque, si elle était heureuse avec son beau mari. Miss Arundel était debout à la porte du presbytère, dans une des soirées du commencement de septembre, à regarder le soleil qui plongeait dans la mer au-delà des marais. Elle était épuisée par une tournée fatigante parmi ses paroissiens. Elle avait appuyé son coude sur la porte, sa tête reposait sur sa main, dans une attitude d'accablement physique. Elle avait ôté son chapeau et écarté négligemment de son front les tresses de ses cheveux noirs. Cette chevelure luxuriante n'avait pas ce lustre pourpré ni cette vague teinte de l'or rouge qui donne une beauté particulière à certaines chevelures noires. Celle d'Olivia était longue et épaisse, mais elle avait la noirceur terne de l'encre et pas de reflet. Elle était comme celle qui la portait, sombre, insondable, échappant à la pénétration du regard. Ses yeux gris et froids étaient dirigés vers la mer. Le devoir d'une nouvelle journée avait été accompli. De longs chapitres de l'Écriture sainte avaient été lus à d'ennuyeuses vieilles femmes affligées de rhumes perpétuels. Des cottages mal aérés où l'on suffoquait avaient été visités. Elle avait foulé patiemment le sentier de chaque jour, et le soleil jaune allait se coucher sans qu'elle lui éprouvait moins de tristesse que de coutume. Mais le calme de la soirée rendait-il paisible cet esprit inquiet ? Non. À la compression des lèvres, à l'éclat fiévreux du regard, à la faible rougeur des pommettes, à tous les signes extérieurs du trouble intérieur, on voyait qu'Olivia Arundel était agitée. Son attitude nonchalante provenait tout simplement de la lassitude du corps. La fatigue de l'esprit ne cessait pas avec le jour. La jeune fille releva tout à coup la tête en entendant retentir au loin sur la route le bruit que fait un cheval au galop. Ses yeux se dilatèrent et sa respiration devint plus rapide, mais elle ne changea pas de position. Le cheval appartenait aux écuries de Marchmont Towers et le cavalier était M. Arundel. Il s'approcha en souriant de la porte du presbytère. Les derniers rayons du soleil se jouaient dans ses cheveux blonds et sur sa belle figure se lisait le bonheur de l'insouciance. « Vous avez dû croire que je vous avais oublié, vous et mon oncle, ma chère Livy ?» dit-il en sautant légèrement en bas de son cheval. « Nous avons été si occupés avec le jeu de pommes, le chalet, les perdreaux et Dieu sait combien d'autres choses encore, que je n'ai pu trouver avant ce soir un moment pour venir ici. Mais aujourd'hui nous avons dîné de bonne heure, afin que j'eusse le temps d'arriver jusqu'au presbytère. J'ai une mission importante à remplir, Livy, je vous assure. Que voulez-vous donc ? Il n'y eut aucun changement dans la voix de Miss Arundel en parlant à son cousin, mais un changement difficile à définir se manifesta dans sa figure quand elle le regarda. On aurait dit que l'expression d'ennui et de désespoir qui lui était habituelle depuis quelque temps augmentait de force pendant qu'elle était tournée vers le brillant jeune soldat tout rayonnant de beauté. Il est possible que ce changement fût le résultat du contraste entre les deux figures. Il est possible aussi qu'il eut pour cause quelques secrets enfouis dans le cœur d'Olivia. « Qu'entendez-vous par une mission importante, Edward ? » dit-elle. Il lui fallut répéter la question, car le jeune homme ne faisait plus attention à elle. Il regardait le cheval qui montait l'herbe tout autour de la porte du presbytère. « J'entends que j'apporte une invitation à dîner à Marchmont Towers. Il y aura un grand dîner, qui, à dire vrai, sera donné exprès pour vous et pour mon oncle. John et Polly ne songent qu'à cela. Vous viendrez, Livy ?» Miss Arundel haussa les épaules avec impatience. « Je déteste les dîners, » dit-elle. « Mais il est certain que si papa accepte l'invitation de M. Marchmont, je ne puis refuser d'y aller. Papa décidera lui-même ce qui lui plaira. » Il y avait eu échange de politesse entre Marchmont Towers et le presbytère de Swampington pendant les 6 semaines qui s'étaient écoulées depuis que Mary avait été présentée à Miss Arundel, et ce dîner n'était qu'une conséquence du désir qu'avait John de faire honneur aux parents de son ami. « Oh, il faut venir, Livy !» s'écria M. Arundel. « Le jeu de pommes est en train de s'achever. Je veux que vous nous donniez votre avis. Dois-je conduire mon cheval à l'écurie ? Je vais rester 1 heure ou 2, et puis je m'en retournerai par le clair de lune. » Edward Arundel s'empara de la bride et se dirigea avec sa cousine vers une écurie un peu démolie qui se trouvait sur le derrière du presbytère, au bout du mur du jardin. Hubert Arundel logeait dans cette masure un cheval blanc à l'œil verron, à grosse tête et à longues jambes, ainsi qu'un phaéton de construction bizarre qui avait des roues très hautes et une capote en cuir moisi. Olivia marcha à côté du jeune soldat avec cet air d'indifférence et d'ennui qui lui était particulier depuis quelque temps. Ses paupières se baissaient en signe de dédain, mais ses yeux gris lançaient de temps en temps un regard furtif sur la belle figure de son compagnon. Il était très beau, son cousin. Le reflet de ses cheveux blonds, l'éclat de ses yeux bleus, où respirait l'audace, la grâce sans affectation particulière à cette catégorie d'hommes que nous nommons fashionable, joyeuse insouciance d'une nature facile, candide et généreuse, rendait singulièrement attrayante la personne d'Edward Arundel. Ces enfants gâtés de la nature obtiennent notre admiration en dépit de nous-mêmes. Ces belles créatures inutiles comptent sur nous pour jouir de leur beauté sans valeur, absolument comme les coquelicots qui dressent la tête dans le blé ou les fleurs sauvages aux couleurs éclatantes dans la prairie. La figure d'Olivia s'assombrissait de plus en plus à chaque nouveau regard furtif qu'elle lançait à son cousin. Se pouvait-il que cette jeune fille, à laquelle la nature avait donné la force et refusé la grâce, fût envieuse des attraits superficiels du jeune homme qui était à ses côtés? Elle l'enviait. Oui, elle lui enviait cette gaieté de caractère qu'elle n'avait pas. Elle lui enviait ce merveilleux talent de ne pas prendre la vie au sérieux. Pourquoi l'existence était-elle si brillante et si légère pour lui, tandis que pour elle, elle était un terrible rêve fiévreux, un long malaise, une lutte naturelle? « Mon oncle est-il à la maison ?» demanda M. Arundel en sortant de l'écurie pour entrer dans le jardin côte à côte avec sa cousine. « Non, il est sorti depuis le dîner, » répondit Olivia, « mais je l'attends d'un moment à l'autre. La maison me pesait. Il y fait chaud ce soir. Je prenais le frais dans le jardin. J'ai passé toute ma journée dans des cottages où l'on étouffait. » « Dans des cottages où l'on étouffait, » répéta Edward. « Ah, je comprends. Vous aurez rendu visite à vos malades. Comme vous êtes bonne, Olivia. Bonne. » Elle répéta ce mot avec un mépris amer qu'elle ne put contenir. « Oui, tout le monde le dit. Les Millwards étaient à Marchmont Towers l'autre jour. Ils ont parlé de vous. Ils ont fait l'éloge de votre bonté et ont mis sur le tapis votre école, vos sociétés de secours pour les malades et tous vos plans pour la paroisse. À leur compte, Livy, vous devez travailler autant qu'un premier ministre, vous qui n'avez que quelques années de plus que moi. » Que quelques années. Elle tressaillit à cette phrase et se mordit les lèvres. « J'ai eu 23 ans le mois passé, » dit-elle. « Ah, mais alors vous n'avez que 2 ans plus que moi, Livy. J'ai 21 ans. Mais ce qui vous fait paraître plus âgé, c'est que vous êtes très instruite. Vous faites presque peur au monde, Livy, tant vous êtes savante. Ma parole d'honneur, c'est vrai. » Miss Arundel ne répondit pas à cette tirade de son cousin. Elle arpentait à côté de lui un étroit sentier caillouté et bordé d'une haie de noisetiers. Elle avait coupé une mince baguette et en enlevait les feuilles. « À quoi pensez-vous, Livy ? » s'écria Edward, éclatant de rire à la fin de sa question. « À quoi songez-vous ? Moi, je songe, et je crois que vous avez fait une conquête. Que voulez-vous dire ? Allons, ne vous fâchez pas. On dirait que vous voulez m'emballer. » « Oui, Livy, il est inutile de prendre cet air féroce. Vous avez fait une conquête et, qui plus est, la conquête d'un des hommes les meilleurs qui soit au monde. John Marchmont vous aime. » Olivia rougit jusqu'à la racine de ses cheveux noirs. « Comment osez-vous venir m'insulter ici, Edward Arundel ? » s'écria-t-elle avec colère. « Vous insultez, Livy ? Voilà qui est trop fort, ma parole !» observa le jeune homme. « Je viens vous dire qu'un des meilleurs êtres qu'il y a sur Terre est amoureux fou de vous, et que vous deviendrez la maîtresse d'une des plus belles propriétés de Lincolnshire dès que cela vous plaira, et vous vous retournez vers moi en fureur. » « Parce que je hais vous entendre dire des sottises, » répondit Olivia, encore animée par la première explosion de son émotion, mais se dominant assez pour parler froidement. « Suis-je donc si belle, si admirée ou aimée qu'un homme, qui ne m'a pas vue plus de 6 fois, tombe amoureux de moi ? Ceux qui me connaissent m'estiment-ils à tel point qu'en faisant mon éloge, un étranger puisse songer à moi ? Vous m'insultez, Edward Arundel, en parlant comme vous avez parlé ce soir. » Elle dirigea ses regards vers la faible lumière que projetait dans le ciel le soleil couchant, et la tristesse empreinte sur sa physionomie ne fut pas diminuée par l'éclat des derniers rayons. C'était une sombre tristesse qui touchait de bien près au désespoir. « Olivia, que signifie ce langage ? » s'écria le jeune homme. « Je vous annonce quelque chose qui me paraît être une bonne plaisanterie, et vous en faites aussitôt une tragédie. Si j'avais dit à Laetitia qu'un veuf très riche était tombé amoureux d'elle, elle en aurait ri de tout son cœur. Je ne suis pas votre sœur Laetitia. Non, mais je voudrais que vous eussiez un aussi bon caractère qu'elle, Livy. Peu importe, du reste, je ne vous en dirai pas plus long. Si le pauvre Hugh Marchmont est devenu amoureux de vous, cela le regarde. » « Mon pauvre cher maître, il a laissé échapper plusieurs fois le secret de sa faiblesse dans ces derniers jours. Ça a été Miss Arundel par-ci, Miss Arundel par-là, et que sais-je encore ? Elle est si belle, si digne, si grande dame, si bonne, c'est ainsi qu'il parle. Cet homme simple d'esprit, sans se douter le moins du monde, qu'il en devient bête. » Olivia écarta ses cheveux de son front avec un geste d'impatience. « Pourquoi ce Monsieur Marchmont songe-t-il tout cela de moi ? Dit-elle, lorsque... » Elle s'arrêta brusquement. « Lorsque quoi, Livy ? Lorsque d'autres personnes ne pensent pas comme lui ? Comment savez-vous les pensées des autres ? Vous ne leur avez pas demandé, je suppose ?» Le jeune soldat traitait sa cousine avec autant de sang-façon que sa sœur Laetitia. Il aurait été difficile d'analyser exactement le degré de sa parenté avec les deux jeunes filles. Il aimait mieux Laetitia qu'Olivia, mais son affection pour les deux était du même genre. Hubert Arundel entra dans le jardin, fatigué comme sa fille, pendant que le cousin et la cousine se promenaient à l'ombre des noisetiers mal entretenus. Il déclara qu'il accepterait volontiers l'invitation à Marchmont Towers et promit de répondre le lendemain à la lettre cérémonieuse de John. « Cookson de Camberling assistera à ce dîner, je présume, » dit-il en faisant allusion à un des ministres, ses collègues, « et j'y trouverai les convives habituels. C'est entendu, Ned, j'irai, si vous le désirez. Et toi, Olivia ? « Cela te fera-t-il plaisir d'y aller ?»« Si cela vous plaît, papa, cela me plaira. » Il y avait maintenant un devoir à accomplir, le devoir de l'obéissance à son père, et les manières de Miss Arundel changèrent aussitôt. L'impatience et la colère firent place au respect. Qu'on n'oublie pas que vis-à-vis de son cousin, elle n'avait aucune obligation particulière. Sa conduite envers lui n'était pas mesurée à la règle et au compas. Environ une heure plus tard, elle revint se placer à la porte, et regarda le jeune homme s'éloigner à la faible clarté de la lune. Si chaque fois que le fer du cheval touchait la terre, le cœur de la jeune fille eût été piétiné par la bête, elle aurait éprouvé moins de douleur qu'elle n'en ressentait en écoutant le bruit lointain du galop qui diminuait de plus en plus. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle. « Cette folie détruira-t-elle mon œuvre ? Ce rêve insensé sera-t-il l'écueil de ma triste vie ? Mourrai-je d'amour pour ce frivole jeune homme ? Qui me rit au nez en me disant que son ami a bien voulu se monter la tête à propos de moi. » Elle reprit le chemin de la maison, puis, s'arrêtant tout à coup, elle frissonna. se détourna de sa route et revint à l'allée de noisetiers qu'elle avait arpentée avec Edward Arundel. « Oh, mon existence monotone » murmura-t-elle les dents serrées. « Mon existence monotone, c'est elle qui m'a rendu l'esclave de cette folie. Je l'aime parce que je n'ai rien vu de plus beau et de plus brillant que lui. Je l'aime parce qu'il représente à mes yeux tout ce que je connais d'un monde plus beau que celui dans lequel je vis. « Bon, à quoi bon chercher à m'expliquer mon amour ?» s'écria-t-elle en changeant tout à coup de manière. « Je l'aime parce que je suis folle. » Elle se promena dans l'allée jusqu'à ce que la lune fût dans son plein et que chaque pignon, recouvert de lierre du presbytère, se dessina nettement sur le fond pourpre du ciel. Elle essaya de fouler aux pieds la folie qui la dominait et mit en lutte contre son amour pour le beau soldat toute la fureur et la colère d'une femme qui subit l'impulsion du moment. « 2 années de plus, rien que 2 années, » dit-elle. Mais il parlait comme s'il y avait eu entre nous 50 ans de différence. Et puis, je suis si savante que j'ai l'air plus âgé et il a peur de moi. Est-ce pour arriver à ce résultat que j'ai veillé chaque jour dans le cabinet de mon père et parcouru les livres qu'il trouvait trop difficiles? Que m'a valu cette intelligence dont je suis fier? Quelle est la récompense de ma patience? Olive Arundel jeta un regard en arrière sur la longue existence qu'elle avait consacrée au devoir. Elle était sombre, unie et sans aucun de ces souvenirs qui peuplent le désert du passé. C'était une plaine aride, aussi peu attrayante à l'œil que les marais entre le mur du presbytère et la mer grise qu'on voyait au loin.